cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. ماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ معرفته أن المشركين يختلفون توحيد الربوبية ولكن يجحدون توحيد الألوهية. نعم، معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، هذا العلم العظيم سيفيدك فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح، الفرح بهذا العلم أنه نعمة، نعمة من الله، فضل من الله، أي أن الله عز وجل أكرمك ورفع قدرك بهذا العلم. فكم من الناس يكمبت هذا العلم التوحيد، يدتس التوحيد، ينبليك با التوحيد. فالسلوي كي أكمبخي توس كنا لو أنصمب لو رزومي سي connaître tawhid et l'appliquer, connaître shirk et s'en écarter, c'est une faïda azima. Ou la thania, faddal. La thania, la faute, وأن المشركين سيمر على شركهم الأكبر فيغنطرون في النار éternellement et leurs œuvres seront annulées. الله سبحانه وتعالى il leur pardonnera pas. Comme من مخاطر. Celui qui a compris هذا سيخاف. يخاف لماذا؟ لأنه tant qu'il est vivant il est pas à l'abri. وأفادك أيضا الخوف العظيم. تأملوا قوله أنه إلى كل في هذا الخوف أنه عظيم. لماذا؟ لأن عياذا بالله الوقوع في الشرك ستخي تخي غاب. ثم إلى ذي مدخل الإنسان إلي با على بغي عياذا بالله دو كونتخدير هذا التوحيد. فلا بد من ماذا؟ لا بد من الاجتهاد في العلم. سيدو فوائد هي الفرح بهذه النعمة العظيمة أي بالتوحيد والخوف أي لا كرانت دو بير هذا التوحيد تو سايف فور فير دي زيفور فور فير دي زيفور بور بريزيرفي هذه النعمة. فالتوحيد سي أعظم نعمة بور العبد. الشرك سي لو بلو غراف دي بيشي سي لا بلو غراند مصيبة لا بلو غراند لا بلو غراند دي كاتاستروف كي ا توشي لومانيتي. الشرك بالله الإنسان يفي دي زيفور كما تقدم معنا. C'est pas qu'une prétention. Là, c'est une recherche approfondie. Ilmun wa bahthun wa talabun. Et هذا العلم, l'objectif c'est de le mettre en application. Et adorer Allah Azza wa Jal seul et s'écarter du shirk. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا لهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أبخي avoir détaillé rahimahullah la différence entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. كذلك après avoir démontré le shirk et la gravité du shirk. كذلك après avoir démontré anna da'wat al-anbiya est fondée sur هذا التوحيد. Sur le désaveu total du shirk et des mushrikin. Tout cela on a retiré walillahi alhamd min kalam al-mu'allif deux fa'ida azima fa'idatan azimatan. ثم après avoir cité tout cela il te cite une faïda عظيمة وعلم أي sache. Et تقدم معنا أن وعلم c'est pour quelque chose de مهم. هذه اللفظة quand العربي disent وعلم c'est que ce qu'il vient après من الكلام c'est très très important. قال أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الصاحب الحق سرى إبخوبي بعض الزنين فلهذا الأنبياء des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi, il les a éprouvés avec des ennemis. Rien à la goutte. Et ça c'est très très important pour le mu'min. Celui qui n'est pas prêt avec l'ilm, avec le tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, l'iman bil qadr, et il sait, il a la conviction, plus l'application de din, plus certains seront contre lui. Les ennemis qui détestent هذا الدين, des شياطين, من الإنس أو الجن, هذا بإذن الله عز وجل, ça va lui faciliter جدا son cheminement, الطريق, حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك il a précisé أن هؤلاء الأعداء, ces ennemis qui détestent التوحيد, qui détestent l'islam, qui combattent الأنبياء وأتبع الأنبياء, بعضهم ils ont du علم, ils ont des livres. Et ils ont des arguments. Et vous avez compris le cheminement de al-mu'allif, de l'auteur, rahimahullah. Petit à petit, il cite des points, hatta il va te démontrer qu'ils ont des choubes. Ah, là, ils ont du ilm, ils ont des livres, ils ont des arguments. Lakin, on verra ensemble, incha'Allah ta'ala, là, ces arguments, c'est des choubes, c'est des ambiguïtés pour égarer al-mu'minin, pour écarter les gens du tawhid. Si tu as compris hada, fais attention. Fais attention à cette ni'ma. Tu es envié. Ni'matul Islam, akhil karim, tu es envié pour cette ni'ma. Al-Yahoud, wal-Nasara, wal-Sa'ir, al-Mushrikin, wal-Munafiqin, ils détestent l'Islam, ils détestent al-Mu'minin. Ils font tout pour écarter les gens du haq. Que ce soit en les combattant directement, en leur faisant du mal, en les tuant, les blessant, les chassant, il a après, oh, et ça peut être plus grave, avec des choubas, avec des soi-disant arguments, et ces arguments, ils contredisent din al-rusul wal-anbiya, ay, hadha al-tawhid. Hadhi, c'est une fa'ida azima. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, hikmatullahi ta'ala, hadha tatakhallas fi amrayn. Al-amru al-awwal, annahu, ما بعث نبيا من أنبيائه إلا جعل له أعداء من المشركين كما في الآية التي ذكرها المؤلف وكما في الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شك نبي إلى ذن وهكذا سكسب هؤلاء الأنبياء ils auront des ennemis. قال ولله في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب ويتبين المطيع من العاصي والله سبحانه وتعالى c'est العليم c'est الخبير c'est tout. لكن c'est une épreuve pour l'abd. Qui sait qui va patienter? Qui sait qui va faire des efforts? تعلمون il y a une حكمة عظيمة. حكمة والجهاد في سبيل الله حكمة العلم faire des efforts pour l'ilm pour s'écarter des choubahs de ha'oula, كذلك التحذير من ha'oula, et c'est un jihad azim, التوبة كذلك, pour celui qui, عيادا بالله, qui a eu des doutes, ou غير ذلك, فالحكم كثير, وإلا, فالله سبحانه وتعالى, il sait tout, عز وجل. قال, إذ بعث الأنبياء يدعون إلى الهدى, صار هناك دعاة للضلال من أجل أن يمتحن الناس أيهم يتبع الأنبياء وأيهم يتبع دعاة الضلال ولولا ذلك لكان الناس كلهم يتبعون الأنبياء نعم s'il n'y aurait pas toutes ces épreuves il n'y aurait pas هؤلاء qui combattent دين الله qui mettent des choubes et qui attirent كثيرا من الناس vers eux tu aurais trouvé كثيرا من الناس ils suivent الأنبياء لكن لابد من التمييز est-ce que celui qui suit est vraiment sincère لأن بعض الناس يبخطن سويف الحق لكن quand ils sont éprouvés par un ennemi أو ils sont accusés d'une chose ربما يدلس الدين عيدا بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف أي s'il est éprouvé par quelque chose ربما يدلس ولا يبال لماذا؟ لأنه il a peur de un tel et un tel c'est une حكمة عظيمة فلهذا ce genre d'épreuve الحقيقة c'est une نعمة pour le مؤمن لكن لابد من صبر لابد من صبر والمؤمن القوي الإيمان tu le retrouves et tu le reconnais lors des épreuves. أما quand tout se passe bien, tu trouves كثير من الناس ils sont مع المسلمين في الطريق. Et quand il y a des épreuves min a'da'i Allah azza wa jalla, des accusations, de l'injustice, des menaces ila akhiri, fa tu trouves كثير من الناس يتزعزعون. لماذا؟ لأنهم ils ont pas suivi la voie de ces messages. عليهم الصلاة والسلام. قال ولو في الظاهر ولا يتميز الصادق في اتباعه من المنافق لأن الأنبياء يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب والذي يميز هذا من هذا هو الإبتلاء والامتحان وتأمل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في الأحزاب quand ils ont été encerclés في المدينة. مشركو العرب سنغاسمبلي من مكة ومن ومن ومن الحجاز ومن نجوى إلى آخره سنغاسمبلي بو أتاكي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اليهود كذلك النصارى يهود المدينة يسسون روبلي دو لانتيريور كونتر النبي صلى الله عليه وسلم. إيزون فان بلوكوس حصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أون إبخوف كيس كيزون دي المنافقون. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مباشر. alors qu'ils étaient في المدينة كثير من الناس ils savaient même pas que c'était des منافقون. لماذا؟ لأن tout se passait bien في المدينة le commerce إلى آخره. quand ils ont été éprouvés blocus إلى آخره والشدة épreuve pourquoi؟ الله c'est le حكيم et Allah il aime les مؤمنين لكن c'est pour que tout le monde voie qui c'est qui est sincère et qui c'est qui n'est pas sincère, qui c'est qui suit vraiment النبي صلى الله عليه وسلم qui ne le suit pas. أي إقامة الحجة على الناس. المنافقون في هذا الحال مباشرة tu les vois أنهم ils se détournent أنهم ils ont des doutes أنهم عياذا بالله ils ont accusé النبي صلى الله عليه وسلم. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بل ils ont accusé الله عز وجل. أي tout ce que الله سبحانه وتعالى et son messager صلى الله عليه وسلم il a promis aux مؤمنين. Et s'ils font la hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'ils font le jihad, s'ils font le salat, s'ils patientent, ils auront la paix, ils auront la belle vie, ils auront le jannah, ils auront cette épreuve. Al-Munafiqoun, directement, ils ont dit, regardez, tout ce qu'ils nous ont promis, c'est que du mensonge. Ghurur, kadhib. Ils nous ont trahis, ayyadam billah. Alors que c'est une épreuve. Amma sahaba, radiyallahu anhum, ça savait tout. Ils savaient. Ils savaient, Anna, c'est une simple épreuve. Ils savaient annahum sa'ibtila min Allah azza wa jall. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Celui qui a cette aqida et husnul dhann billah, annahu quand il est éprouvé, c'est pour son bien. Quand il est touché par quelque chose, rubbama il a fait un dhanb, une ma'siya, quelque chose qui est la cause de cette épreuve, enfin, normalement il doit se remettre en question, yatoub ila Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait des efforts pour apprendre son deen. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, qala wa la yatamayyaz as-sadiq fi ittiba'ihi min al-munafiq li'anna al-anbiya yattabi'uhum al-mu'min as-sadiq wa yattabi'uhum al-munafiq al-kadhib walladhi yumayyiz hadha min hadha huwa al-ibtila wal-imtihan. Al-ibtila wal-imtihan, c'est les épreuves. C'est ça qui va discerner entre al-sadiq wa ghayr al-sadiq, al-sadiq wa al-kadhib, al-mukhlis wa al-munafiq. C'est ça qui va faire la différence. Aliyaz al-mu'min, il doit bien avoir cette croyance, cette conviction, ne jamais oublier, annahu il sera éprouvé. Il m'a sur sa famille, il m'a une épreuve qui touche son corps, il m'a une épreuve qui touche sa famille, il m'a une épreuve qui touche ses biens. إما يسبي الانجستيس إما إلى أكوزي هكذا حال المؤمن. سأصين علامة من علامة محبة الله عز وجل للعبد لأن الله عز وجل إذا أحب قوما يبتلاهم. الله quand il aime un peuple il les éprouve. لماذا؟ pour les élever et pour leur pardonner حتى يوم القيامة كما جاء في الحديث أن بعض المؤمنين يسقون إبخوب يبتلون في الدنيا حتى يلقون الله عز وجل وليس عليهم خطيئة حتى يوم القيامة المؤمن إلى غطاء بشيء. tout a été pardonné في الدنيا tellement qu'il a été éprouvé. Lakin, pour patienter face à cette épreuve, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Il faut l'ilm et il faut le tawhid. Le tawhid, ça va aider l'insan à patienter, à husnudhan billahi azzawajal, à ne pas désespérer, il est akhari. Et l'ilm, ça va l'aider à comprendre. Mais ces épreuves, il ne faut pas comprendre que c'est que la torture, la mort, la prison, il est akhari. Là, ça peut être une épreuve kadalik fi din. Des choubes. Et ta'amalou ma hassala li al-mu'minin fi zaman al-imam Ahmed. Rahimahullahu ta'ala. Épreuve anime. Annahum, ils ont été forcés de dire anna al-Qur'an, il est makhlouk. C'est pas la parole d'Allah. Alors, tu trouves, ba'd al-nas, ils ont dit. Ba'd al-a'imma, ils ont dit hada, lakin mukra. Min bab al-ikra. Pour pas se faire tuer, pour pas se faire emprisonner, pour pas se faire torturer. نعم تتخوف بعض العلماء صبروا منهم الإمام أحمد على رأسهم plutôt الإمام أحمد إلى باب خلصي أبدا اللي تفوت لماذا toute cette épreuve فتنة امتحان من الله سبحانه وتعالى الآن l'histoire qu'on étudie ou qu'on lit qu'est-ce que tu retiens tu retiens la patience de l'imam أحمد رحمه الله et Allah سبحانه وتعالى رفعه c'est devenu رأس أهل السنة à son époque. لماذا لأنه il a patienté face à cette épreuve. لكن c'est quoi qui l'a aidé à patienter? Deux choses. التوحيد. الرجل رحمه الله. C'est un imam. Imam في القرآن. Imam في التفسير. Imam في الحديث. Imam في الزهد. في العبادة. Faisait beaucoup d'efforts. رضي الله عنه. ورحمه الله. Mais ça l'a aidé à patienter. بإذن الله عز وجل. Et كذلك العلم. لأن بعض الناس ils ont suivi المعتزلة à cette époque. À cause des شبه. Des شبه. Des versets du Coran Karim qu'ils ont cités, des hadiths ils se sont servis comme argument pour démontrer dans le Coran il est makhlouq, c'est une créature. Alors que c'est faux. Lakin l'imam Ahmed, il a pu faire la différence. Mais idn Allahi Azza wa Jalla, il avait fait des efforts fil ilm. Et ce genre d'épreuves, c'est plus grave. Les épreuves des choubahs. Amma les épreuves des. Je subis une injustice directement par un kafir. Fait l'ami, fi hada al-hal, il saura que c'est une épreuve et il essaiera de patienter. Amma l'épreuve des shubuhat, les ambiguïtés, l'aqida, le tawhid, ila akhirah. Fa kathir min an-nas, ayadan billah, ils se font avoir, tromper. Limada? Yama ya manque de ilm. Lakin al-mukhlis, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite daiman. Qala. فالشدائد هي التي تبين الصادقين من المنافقين الله جل وعلا فالله جعل أعداء للأنبياء لحكمة من أجل الابتلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليميز أي التمييز أي حتى الخبيث والطيب سو ديفيرونس هذا الخبيث لي موفيز شوز والطيب سي لي بون شوز هذه سمن الحكم c'est parmi les sagesses de ces épreuves قال هذه هي الحكمة لأن الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن قال والشيطان هو المارد العاصي فكل من تمرد عن طاعة الله تمرد أي من خرج عن طاعة الله فأبيغ الله سبحانه وتعالى ستتمرد يغفز لسسومت قال فإنه الشيطان سواء كان من الجن أو من الإنس حتى الدواب المتمردة الدواب أي les animaux les bêtes المتمردة أي qui n'obéissent pas à leur propriétaire تسمى شيطانا وهو من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا ابتعد نعم le mot شيطان vient de إما de شاط أي اشتد أو من شطن إذا ابتعد عن طاعة الله أو عيدا بالله ابتعد من رحمة الله فهذا قال فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنس et on a la preuve في قول الله عز وجل le verset qu'il a cité المؤلف عدوا شياطين الإنس والجن c'est un délit أن الشيطان ça peut être un djinn ou ça peut être un إنس ça peut être un être humain ou ça peut être un djinn قال وقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول الزخرف في الأصل الذهب traduisent par les décors, les ornements, les, quelque chose pour embellir. مثلاً الزخارف في البيت أو في المسجد c'est les décors. C'est ça, الزخرف. قال وزخرف القول هو القول المموه المزور لأجل أن يغر الإنسان أو يغر الإنسان. نعم. C'est ça, زخرف القول. أي كلام مموه مزور كما قال الشيخ حفظه الله. أي دي كلام un كلام éloquent qui est embelli. Pourquoi ? Pour égarer. Et ça, c'est le moyen de Ha'oula pour égarer le mu'minin. Yuhi ba'duhum ila ba'd, zukhruf al-qawl. Ça nous montre, on fait attention, c'est pas celui qui est éloquent, khalas, il est forcément ala al-haq. Celui qui parle bien, forcément, il est sur la vérité. Celui qui fait pleurer les autres, forcément, il est ala sunnah. C'est pas ça la misère. Là, on reconnaît quelqu'un qui est sur la vérité s'il parle avec des preuves du Coran et de la Sunna. Même s'il n'est pas éloquent, même si il fait des fautes en langue arabe, il reste à l'al-haq. Malgré ses fautes, un axe qu'il doit essayer de corriger. Il est éloquent. Et Qawl, tu trouves pardon, ils ont la fasaha. Et peut-être qu'il arrive à في خطبته أو في دانسي أفير بلوري لي جون إلى آخره وتي تخوف تي في بارتي دو أهل الضلال سان شيطان من شياطين الإنس عدو من أعداء الله من أعداء السنة فسي با سا الميزان الميزان et on l'a déjà répété souvent nos frères c'est pas la belle voix c'est pas l'éloquence c'est pas أنه il est à l'aise quand il parle c'est pas ça le ميزان بعض أهل البدع tellement qu'ils ont de l'expérience في الدروس et en langue arabe tu trouves quand il parle il est éloquent, il est un munhar sympa. Et tu peux trouver akhun min ahli sunna, il a beaucoup de mal et il n'est pas éloquent lakin bi idnillah azza wa jalla sawli min awliya illah azza wa jalla. Qala wa zukhruf al-qawl huwa al-qawl al-mumawwah al-mudawwar li ajli an yaghurra an-nas fal-qawl al-muzakhraf huwa al-batil al-mughallaf bi shay' min al-haqq. Et c'est ça le shubha. C'est exactement ça le shubha. قول مغلف مغلف c'est comme si on dit ce kitab il est مغلف il est couvert la couverture le غلاف فقول مغلف c'est un قول qui est couvert qui est embelli avec le haq lakin c'est du batil مثلا ce montil il va citer un verset du Coran al-Karim il va citer un verset ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il va rapporter des paroles de certains salaf قال سفيان قال الإمام أحمد قال الإمام البخاري قال فلان وفلان لكن son but c'est le batil et au milieu ou en citant ses preuves ou ses paroles de savant il cite son batil كذلك فالإنسان يحذر قال وهذا من أعظم الفتنة لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبل أحد لكن إذا غطي بالشيء من الحق فإنه يقبله كثير من الناس وينخدعون بهذه الزخرفة فهو باطل في صورة الحق. C'est pour ça qu'on a dit cette fitna, elle est plus grave. Un واحد qui se fait attaquer, chassé de chez lui, Obama blessé, Obama torturé, va savoir que Fulan c'est son ennemi. Il fait du mal directement. أما هذا الغزو أي avec des choubas, avec le combat de la vérité, la qu'il sous forme de l'islam, il a après c'est très très grave. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal. Et le seul silah, la seule arme pour repousser cette fitna, c'est l'ilm, bien sûr avec le du'a. Et ensuite quoi, l'ikhlas et la cause, une des causes c'est l'ilm. قال ولو شاء ربك ما فعلوه الله قادر على منعهم من ذلك لكنه شاء أن يفعلوه من أجل الابتلاء والامتحان نعم الله سبحانه وتعالى لو شاء ما فعلوا ذلك أي من قتل الأنبياء والظلم tous les injustices qu'ils ont fait aux messagers à leurs suiveurs إلى آخره لكن الله سبحانه وتعالى للحكمة pour élever les mu'minins et pour égarer هؤلاء الأشرار قال وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد فأتباع الأنبياء أيضا يكون لهم أعداء من دعاة الباطل في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر في الخلق، وجود دعاة الحق وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان، سنة الله سبحانه وتعالى، حكمة الله سبحانه وتعالى. أن صاحب الحق quand il fait des efforts في الدعوة et propage دين الله، il y aura un مبطل، des ennemis qui mettront en garde، qui le combattront إلى آخر. Exactement comme الأنبياء. Chacun cette épreuve، chacun par rapport à son iman. هذا هو الأمر الأول. لهذا سنرد على من يحسن الظن بأعداء الله. بعض الضلال في دعوتهم يزابل على فخاترنيتي حتى مع الكفر، كأن السو مؤمن لا بدني. هؤلاء غشاشون، خائنون. إذن تخيل أمة، لماذا؟ لأن celui qui veut du bien à cette أمة، il conseille ses frères et il met en garde contre les ennemis de cette umma. Si tu aimes quelqu'un et tu sais que ce proche ou cet ami ou ce frère que tu aimes, il a des ennemis, enfin, si tu le veux son bien, tu le conseilles et tu le mets en garde contre cet ennemi et tu lui montres les ruses de cet ennemi et tu l'aides. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض. أما هؤلاء حتى الكفار، حتى الملاحدة، حتى اليهود، عندهم c'est devenu là nos prochains. Il faut les respecter et la tolérance. كأنهم c'est plus des ennemis. Et tu trouves أعداء الله من يهود والنصارى، eux ils travaillent من تحت et combattent l'islam والمسلمين. Et tu trouves هؤلاء عيادا بالله الضلال يميلون إليهم. أي ils se rapprochent de هؤلاء et les maqsad. إما الدنيا، إما عيادا بالله le cœur il est malade، إما نفاق، إما de l'hypocrisie. فالإنسان يحذر. الخير إلى عند علماء السنة ودعاة أهل السنة، دعاة السلفية فقط. لو غست سكو خرافات وبدع وانحراف وضلال والظلم دي مصالح أي دي بروفي pour الدنيا أو de l'argent. قال الأمر الثاني وهو العجيب، أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل الحق، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم، يعني الكفار، بالبينات الحقائق البينة والعلم النافع، فرحوا بما عندهم من العلم. سموت أنهم عندهم شيء من العلم، لكن تستفيد من هذا إن فائدة عظيمة، أن العلم سلسة سفيدة. بعض اليهود يزون جو علم، بعض الكفار يزون جو علم، الشيطان إلا جو علم من سيغتين شوز. Est-ce que نفعه؟ أبدا. العلم ça suffit pas seul. العلم qui sera utile pour l'abd c'est العلم النافع. العلم النافع أي علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم en appliquant. حتى القرآن c'est أعظم العلوم لا شك، لكن c'est pas forcément أن هذا الإنسان يبقى profiter. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Ça peut être une preuve contre toi. C'est du ilm, c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. لكن la question qu'on se pose est-ce que c'est un profit أم لا؟ C'est un profit pour celui qui met en application. ما واحد يحفظ يكون يخالف يدي les kuffars c'est nos frères، il critique ses frères musulmans ليل نهار. Même le fait de dire أن الكفار c'est des kuffars il peut plus. هذا نمسي من القرآن سنحجة contre lui، لأن في القرآن beaucoup de versets qui montrent l'égarement des juifs، des chrétiens et des سائر المشركين. قال الذي توارثوا عن أجدادهم وآبائهم والذي هو عبارة عن كتبهم وعن حججهم التي توارثوها. نعم، إما هذا العلم ils l'ont pris de leurs parents، إما de leurs imams égarés. المهم ils peuvent avoir quelque chose من العلم، un peu de علم. قال وهذا واقع الآن، وهذا واقع الآن. نعم، فكم في الساحة من كتب أهل الباطل، ككتب الجهمية وكتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الشيعة. كم في الساحة من كتب هؤلاء وعندهم حجج مركبة ومزيفة تغر الإنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم. فظنون أن كتب الأشاعرة مثلا يبد في قصد القرآن يبد أحاديث دل السنة بل مليئة beaucoup de versets du Coran, beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, est-ce que c'est selon la compréhension des imams de la communauté, des salafs de sahaba radiallahu anhu? Peut-être. Il va te citer un verset du Coran fi sifa min sifatillahi azza wa jalla et il va l'expliquer avec le hawa. Il va citer les versets en Allah il a deux mains, il va dire c'est la force. Il va citer le verset en Allah il a un visage, il va dire c'est la récompense. Il va citer les hadiths en Allah Azza wa Jal il descend chaque tiers de la nuit, il va dire c'est l'ange qui descend. Le hadith il dit Allah, ou il dit l'ange. C'est pour ça, citer une preuve c'est une chose. Lakin, citer cet argument à sa place et le mettre en application c'est une autre chose. فلا تغتروا بهذا. والعلماء كالإمام الشوكاني رحمه الله وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من العلماء ils ont démontré أن ما من مبتدع إلا وله شيء من الحق. تظن مثلا أن الأشاعرة سيدي زكاري دون تو أبدا. Il va faire salat, il fait le hajj, il fait le siyam, il dit qu'il faut respecter le voisin, il dit qu'il faut aimer le sahaba radiallahu anhu, il dit qu'il faut suivre le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hakata l'ash'ari. Tu crois que l'ash'ari va insulter le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va insulter le sahaba, il va insulter Allah azza wa jalla? Abadan. Lakin, l'égarement que Ahlul Bid'ah ils ont, c'est pas forcément dans tout là. Mathalan, tu trouves l'égarement de l'ash'ari, il est vi as-sifat. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont déformés. Kadhalik, fi tafsir al-tawhid, ils ont de l'égarement. Kadhalik, fi l'iman, ils ont de l'égarement. Tu trouves l'égarement, mathalan, de al-shi'a, il est akbar. Al-rawafid, ils ont de l'égarement dans beaucoup de choses, iyadam billah. Et tu trouves d'autres groupes, sofiyah, ils ont de l'égarement dans beaucoup de fondements de l'islam. Al-muhim, la tadun, anna al-mubtil, l'égaré, pour que ça soit un égaré on s'en écarte, il faut qu'il soit égaré dans tout. Ayyadam billah. Et bah, les gens sont à la hada. Si tu le mets en garde maintenant contre Shia, al-Rawafid, alladhina yasubbuna ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa yata'anuna, Aisha radiallahu anha, des égarés clairs, l'ulama kaffarouhum, fawa'adun nas, qu'est-ce qu'ils disent? Lakin c'est des muslimoun comme nous, ils font salat. Est-ce qu'un savant de la sunna, il a reproché, où il a dit un Shia ils font pas salat, sans rentrer dans les détails comment ils font salat, l'heure de salat, la direction, et là après ils ont des égarements dans cela. Lakin ils font la salat, ils font le hajj. Celui qui est parti au hajj il les voit là. Mais l'ulama ils insistent pas sur cela là. L'ulama ils ont démontré leur égarement. L'imam là si c'est des mu'minoun, si c'est des croyants, pourquoi ils insultent la femme du prophète alayhi salat ou salam? Est-ce qu'un croyant il peut insulter la femme du prophète alayhi salat ou salam? Ben la faire sortir de l'islam. Insulter la femme ou accuser injustement la femme d'un mu'min, c'est très très grave. Amma la femme du prophète alayhi salam, c'est du kufr. Et accuser Aisha radiallahu anha, c'est du kufr. L'imad alayhi anna, le verset du Coran. Et surat al-Nur, Allah il l'a révélé pour l'innocenté. Hum, ils disent là, à la fin. Ayyadam billah. Est-ce qu'un mu'min, il peut accuser les meilleurs hommes après les prophètes alayhi salam, Abu Bakr wa Umar, de trahison, d'hypocrisie, de mécréance, il a akhri. C'est ça qu'il faut regarder. Tout ça, il le déleste, il dit, c'est des musulmans. Comme nous, là, on a certaines divergences. Certaines divergences, accuser la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accuser Jibril, accuser le sahaba. Bel ba'duhum yata'an fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bel ba'duhum yata'an fi Allah. Azza wa jal. Thumma tu trouves al-juhal, ils disent, là, c'est des croyants comme nous. Ka'anna rab. C'est un madhab. C'est comme la divergence qu'il y a entre le Malikiya et le Hanabila et l'akhiri. Le Shia, c'est un madhab. Ça, c'est min al-jahl wa al-dhalal. Les malades, les nahaoula, ils ne connaissent pas ce genre de point. C'est pour ça que al-jahl wa al-ta'dil, c'est une ni'ma. Min ni'am illahi azza wa jal. Pour préserver l'umma de cette fitna azima. Aïe, al-shubha. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. فالعلم أو فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم الصحيح الذي يفيد اليقين. هؤلاء ميم سي سي دي فيرس دو قران ميم سي سي دي احاديث دو بروفيت عليه الصلاه والسلام حقيقه لو باز سي هذا العقل لا ريزون علم المنطق وعلم الكلام اي لا فيلوسوفي كي فوندي سور لا ريزون. اما لي تيكست فا اي لي سيت هكذا Lakin, l'argument de base sur quoi ils fondent leur madhhab, leur croyance, c'est ilm al-kalam. Falihada, ils rejettent des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Limada, il y en a pour eux, la tufid al-yaqin. Pour eux, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est l'argument. Le Coran, ils peuvent pas le rejeter directement. Il y en a les gens, ils sauraient que c'est des zanadiqa ou des rimoun. Lakin, ta'wil wa tahrif. Hakada, ahlu dhalal. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أما أنا جنسقت la fin du verset, elle n'est pas citée. Si il manque la fin du verset, vous rajoutez شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشيخ الفوزان أما أدلة القرآن والسنة فهي حجج ظنية. De Sheikh Rosen, ça suit le Shah et son explication qui n'était pas terminée. Huna, après avoir cité ce passage, il termine. Rahimahullah. قال بزعمهم لا تفيد اليقين وهذا من تمام الفتنة والتزييف على الناس لأن الواقع الصحيح هو العكس وهو أن أدلة القرآن تفيد اليقين وأدلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة والاضطراب. كما أقر بذلك كبراؤهم عند الموت وعند توبتهم ورجوعهم عن علم الكلام. Et on avait cité dans la kalima qu'on a fait ensemble, wallahi alhamd, sur la secte des Asha'ira, أن بعضهم نعم. Après des années في علم المنطق والكلام, la philosophie et l'akhir, ils ont fait التوبة. كالغزالي والجويني وغيرهم. Et ils ont regretté. لماذا؟ لأنه une perte de temps. هؤلاء Athkiya, ils ont fait des efforts fi hadha al-ilm, des décennies, 40 ans, 50 ans, ils ont atteint un niveau ajib, mais il n'y a aucune faïda, belle c'est de l'égarement. Et à la fin, ils ont regretté. Hatta ba'dhahum, ils ont espéré mourir à la aqaid ajaiz Naysabur. À la fin de leur vie, ils ont vu que tous ces ilm, ils se contredisaient. كتب المعتزلة سيهكذا كتب الأشاعرة ils ont des thèses, ils ont des ouvrages أنهم يبخطن كذا كذا ثم ils se contredisent ثم واحد un troisième il vient il les contredit et de مجلد il n'y a aucune فائدة ça traite le sujet de الربوبية et ils ont des doutes alors que Iblis il a reconnu هذا كفار قريش ils ont jamais prétendu أنهم c'est des créateurs أو leurs idoles c'est des créateurs لكن الانحراف لهذا بعض هؤلاء à la fin de leur vie, وَفَقَهُمُ اللَّهُ لِلْتَوْبَةِ et ils ont reconnu أنهم, ils ont perdu leur temps et ils espéraient mourir comme les vieilles femmes de Naysabur. Naysabur, c'est une région. Ils espéraient mourir comme une amie, une femme musulmane qui ne connaît rien, mais elle est à la fitra, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Elle sait que Allah subhanahu wa ta'ala est fils sama, il est au-dessus de son trône. Elle sait que Allah ne ressemble pas aux créatures. Elle sait que le professeur sallam, il faut le suivre. Ilm des awam, wallillahi alhamd. Si tu lui demandes à n'importe quel ami, est-ce que le Coran c'est kalamullah, il va douter sur toi. Pourquoi tu lui poses cette question? Quel c'est? Heureusement, c'est la parole d'Allah, il va te dire. L'imad, on le lit, l'imad, tous ses efforts. C'est pour ça que tu trouves, ils ont un ta'zim kabir par rapport au Coran. Hayanan, il dépasse les limites. Ha'oula, des années, fi ilm al-kalam, et ils ont des doutes. Un jour c'est un kalam nafsi, un jour sauti le makhlouq, un jour kaba tchabbut. Alors que c'est très très simple, c'est kalam Allah. Azza wa Jalla. Qala, idha kana ha'ula indahum fasaha wa indahum hujaj wa indahum kutub, fala yaliq bik an tuqabilahum wa anta a'zal. Ay, la yanbaghi. Ha'ula, min shayatin al-ins wal-jin min al-kabra, ils font beaucoup d'efforts dans leur égarement. Limadha, li'annahum, ils ont cette conviction. Et ils ont cette haine envers l'islam et ils combattent. Ils font beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup d'efforts pour combattre l'islam. Et tu trouves, Ba'd al-Muslimin, Au contraire, normalement, ils doivent faire encore plus d'efforts pour pouvoir combattre Ha'oula bil'ilm, repousser leur chouba et, alhamdoulilah, propager hadad din. Tu trouves, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, wa anta a'zal. Il n'est pas concerné. Toute la journée, le sport, les téléphones, les sorties, les loisirs, il n'est pas concerné. Alors que tout ce qui se passe, l'un comme fitan, c'est lié à l'islam, et combattre l'islam. Et ça, c'est l'image de l'islam. Mais à qui ils sont occupés, les musulmans? Quand les musulmans, ils ne se sont pas concernés. Tu sais que les musulmans, il n'a pas d'ennemis. Là, il fait confiance à tout le monde, tout le monde fait ce qu'il veut, il a akhir, il a iyadam billah. Alors que le kafir, là, le kafir, il yukhatti da'iman layl wa nahar pour faire du mal aux musulmans. Et c'est cette ghafla, cette insouciance qui nous fait beaucoup de mal. قال بل يجب عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم أي لبني آدم فبين القعود لأقعدن لهم أي في الطريق أي عدو الله لا تخمي أنه va se placer, il va se mettre en travers du chemin des mu'min. Ah, il va tout faire pour les faire sortir de Tariq. Qala, ay li bani Adam, ay les êtres humains. Siratak al-mustaqim, ay al-tariq al-mousil ilayk, ay al-din. C'est pour ça que quand Wahid veut faire une ma'asiyah, vous avez remarqué qu'il ne trouve aucun problème. C'est très simple de faire des ma'asiyah, des péchés. Amma, si tu commences à faire des efforts pour suivre hada sirat al-mustaqim, أي الإسلام القرآن والسنة أحيانا tu sens que tu dois faire des efforts, tu sens que si tu ne fais pas d'efforts peut-être que tu n'arriveras pas إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا العدو il fait tout pour nous écarter. لكن التوفيق بيد الله. C'est difficile au début, لكن fais des efforts, c'est une épreuve, et si tu es sincère, Allah سبحانه وتعالى il te facilitera. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Le shaitan, même s'il fait tout ça, il est naïf. C'est une épreuve, faqat. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a laissé Iblis. Qui a laissé Iblis. C'est une épreuve. لماذا لأن Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikma. قال أي الطريق الموصل إليك ثم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم وكذلك اتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس لإضلال الناس تعهد إلى بخوم كفغتو pour égarer الإنسان l'être humain. Lakin dans l'autre verset, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Surat Sad. Sauf le sincère. Iblis il a reconnu. La urwiyannahum ajma'in. Je les égarerai tous. Thumma lui-même il a précisé. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Il savait. Anna ceux qui sont sincères et véridiques, il ne pourra rien contre eux. L'imam. Anna Iblis il sait et il savait. Anna Allah Azzawajal, s'il veut guider quelqu'un, Iblis il ne peut pas l'égarer. Parce celui qui est sincère, qui est véridique, qui veut le haq, Iblis, il ne peut rien contre. Même s'il est prouvé, même s'il a des faiblesses, alhamdoulilah, c'est un mu'min, et ça restera un mu'min si Allah Azza wa Jal, il veut. Enfin, ça nous montre l'importance de hadha al-ilm, l'ilm al-tawhid. Et même si l'insan, il a faibli, et hadha al-adou, il lui a fait du mal, ou il a été la cause, il a fait un péché, ou il a délaissé une sunna, ou il a fait une bid'a, ou il a commis une injustice, et quand il fait tawba, Iblis c'est le perdant, et le mu'min bi'idnillahi azza wa jal c'est le gagnant. C'est pour ça que kayd hadha al-adou il est dhaif. Qala walakin idha aqbalta 'ala Allah wa asghayta ila hujajihi wa bayanatihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا أقبلت على الله أي si tu fais des efforts tu es sincère tu es véridique et ton objectif c'est de suivre هذا الدين Premièrement, la sincérité, l'intention. كذلك, ton objectif, c'est de suivre les preuves, c'est de suivre le haq. Même si tu as des faiblesses, لكن ton objectif, c'est d'aider, tu fais des efforts, فلا تخاف, ne crains rien. Shaitan, il peut rien te faire. لماذا لأن الشيطان c'est un مخلوق ضعيف. C'est une épreuve من الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé l'humanité avec cet ennemi. وَإِلَّا فَالشَّيْطَان c'est مِنْ أَضْعَفْ خَلْقِ اللَّهِ. Il n'a pas réussi à se prostrer à lui. Ça montre sa faiblesse. أَمَّا أَنْتَ وَلِلَّهِ حَمْتَ مُؤْمِنْ tu te prostres لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Ne donne pas d'importance à cet ennemi. Ils ont trop donné d'importance à ce adou. كأنهم ils peuvent pas s'en défaire, كأنهم il a trop de force, كأنهم ils peuvent rien faire contre ces ruses. أبدا. C'est pas من الحكمة et c'est pas dans ton profit أخي الكريم de donner trop d'importance à un ennemi, que ça soit شيطان ou autre. Là, l'ennemi laisse-le دائما صغير et حقير. Et il vaut rien, humilié et il peut rien faire et tu verras que il peut vraiment rien faire. إلا أن يشاء الله. قال العلامة الشيخ البوزان حفظه الله كما قال سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهم مهما كان عندهم من القوة الكلامية والجدال والبراعة بالمنطق والفصاحة إلا أنهم ليسوا على حق فيعطينوا الإنس كي يسيد غاري المسلمين avec des شبه que ce soit la philosophie, que ce soit de nos jours la laïcité, la démocratie, toutes les inventions, toutes ces nouvelles pensées pour combattre l'islam, vu que c'est pas à la haq, ça vaut rien. Donne pas d'importance à elle. Ils pourront rien faire. Même si tu les vois et se sont rassemblés contre l'islam et la communauté elle est en situation de faiblesse, ne pense pas que c'est les ennemis qui ont eu le dessus là. L'ennemi, il est waïf. C'est nous. Si nous, on fait des efforts, le haq, il est qawi. Qala وأنت على حق ما دمت متمسكا بالكتاب والسنة وفهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا إن كيد الشيطان كان ضعيفا فاطمئن لكن فديزفور في الكتاب والسنة علما وتعلما وحفظا ودعوة إلى آخره فديزفور أبخون si tu as appris propage si tu as appris applique et tu verras que tu seras على خير. قال لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنك بذلك لا تخف مهما كان معهم من الحجج والكتب لأنها سراب كما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور قوله لأنها سراب سمو الله سبحانه وتعالى لا سيدي في القرآن قوله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة. C'est ça, as-sarab. On revient à Kalam Cheikh al-Bawzan. La takhaf mahma kana ma'oum na al-hujad wal-kutub li'annaha ka sarab. Ou li'annaha sarab. Ce mot sarab, qui est cité dans le Coran, wal-lazina kafaru. A'maluhum ka sarab biqi'a. Min surat al-Nur. Et ta'amalu, le verset, c'est a'mal. Les œuvres des kuffars. Tout ce qu'ils font, c'est ka sarab biqi'a. Et Cheikh al-Bawzan, il a utilisé ce mot. Tous les arguments, les livres, tout ce que les koufars ils propagent, c'est sarab. Alors, si on cite le sens, ça sera plus clair. قال l'imam Shawkani, rahimahullah, fi Fath al-Qadir, c'est un tafsir de l'imam Shawkani, une explication du Coran. قال sarab, ma yura fil mafawiz. Mafawiz, c'est le sahara, le désert. C'est ce que tu vois dans le désert, min la ma'an al-shams. عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يرى السراب c'est هذا يترجم par comment يترجم ميراج هذا اي c'est عند الحرارة الشديدة celui qui est dans un désert et tellement qu'il fait chaud avec les rayons du soleil là après à l'horizon c'est comme s'il voyait de l'eau c'est comme s'il voyait de l'eau et quand il s'approche en réalité il y a rien. هكذا أعمال الكفار يوم القيامة. كم من كفار ils ont un bon comportement, certains ils essayent d'être véridiques, certains ils essayent d'aider les orphelins, les pauvres, ils essayent إلى آخره. Ils ont بعض الأعمال يوم القيامة كسراب بقيعة. Ils viendront, ils trouveront rien. هكذا حجج المفطن. لا تغتر son éloquence, tous les dourous qu'il fait, les livres qu'il écrit, la da'wa min huna wa huna kasarabin, ça vaut pas grand chose. Si c'est pas fondé sur le haq, ça vaut rien. Attention que nos efforts, ça ne devient pas des efforts. On ne trouve rien. Et pour que tu trouves quelque chose, celui qui espère rencontrer Allah Azza wa Jal, ay ala khayr, et trouver des a'mal, deux choses. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اولا العمل الصالح. Vous avez remarqué que l'amal il a été qualifié de salih في الآية. لماذا؟ لأن c'est pas toutes les œuvres qui sont acceptées. تأمل les œuvres des kuffar. أعمالهم, ils ont fait des œuvres. كسراب بقيعة, c'est pas accepté. لماذا؟ لأن c'est pas عمل صالح. العمل الصالح c'est quoi؟ C'est l'amal qui est fondé sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et il fait pas de shirk. أما النصارى, بعض الناس يغترون. Certains chrétiens ils font du khayr dans certains endroits. Et hatta le khayr qu'ils font dans certains endroits, kathir minhum, c'est pour masalih. Les hôpitaux, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, les aides, il a akhiré. Kathir minhum, c'est des évangélistes, c'est pour propager leur da'wah. Lakin si on qadra, il y a certains d'entre eux, ils font vraiment, ils veulent vraiment aider les pauvres, il a akhiré les orphelins. Ba'd an-nas yaghtar, ils disent, regarde, haoula. Regarde, ils font du khayr, le cœur qu'ils ont, ça montre qu'ils ont du bien. Afadan. C'est pas accepté عند الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est la condition. Même cette sœur الآن, les sœurs chrétiennes, ou ce prêtre, ou cet évangéliste qui se déplace soi-disant pour donner des médicaments, il a akhiré, ou il baptise des hôpitaux, ou il creuse des puits, ils disent que Isa c'est le fils d'Allah عز وجل. Ils ont tout perdu بهذا. Perdu, ils ne trouveront rien. Comme celui qui est dans le désert assoiffé et il pense à Nahou, il a trouvé une source d'eau et quand il arrive, il n'y a rien. Et c'est ça le khusran al-mubin. Imagine tous les sacrifices qu'ils font. Des voyages en Afrique, des voyages en Asie, pardon, ils dépensent leur argent, pardon, ils quittent leur famille, pardon, ils se marient pas, pardon, comme une taille des années. Ils ne trouvent rien. Tu trouves le mu'min, même s'il a des faiblesses avec son tawhid, il trouvera khayr azim. Il t'aime le hal sahib al-bitaqa. Il a fait des péchés, il a eu de taqsir. Mais c'était un mouhid. Une carte, elle sera posée sur un plateau de la balance et ses péchés sur un autre. Le plateau où il y a la carte écrite dessus, la ilaha illallah, c'est un mouhid. Avec le qawl, avec le qalb, avec l'amal. Tawhid, ça sera beaucoup plus lourd que les péchés. Enfin, ce mouhid, il trouvera du khayr. Contrairement au kafir, qui n'a pas fait ces péchés que ce musulman il a fait. On ne parle pas du shirk. Matalan, il n'a pas tué ce kafir. Matalan, il n'a pas volé. Matalan, il n'a pas menti. Matalan, il n'a pas trahi un tel. Peut-être qu'il n'a pas fait tout ça. Ben, il aidait les pauvres, il aidait les orphelins, il creusait des puits. Lakin, le shirk qu'il a, ça lui a mis tout. Les ulama, ils insistent et ils écrivent ce genre d'ouvrage. Mais le musulman, vu qu'ils ne connaissent pas tout ça, il ne juge plus avec tawhid et shirk là. Il voyait un musulman qui a menti ou qui a volé, ils disent hada, c'est pas un musulman. Alors que ça reste un musulman, même s'il a fait ce péché. C'est une faiblesse, il n'a pas le droit, il a fait du haram, mais ça reste un musulman. Il voyait un chrétien maintenant qui a fait du khayr, entre guillemets, bien sûr, il y en a, kathir minhum, ils ont des objectifs, en apparence, il a fait du khayr, ils disent, c'est lui le mu'min. Ils oublient la base. Aïna at-tawhid. Ça ne peut pas être un mu'min si il n'a pas hada at-tawhid al-azim. قال حفظه الله فالسراب يزول كذلك هذه الحجج إذا طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قضائف الحق تدمر الباطل مهما كان. لكن pour éviter de se faire tromper par ces ambiguïtés, pour comprendre دين الله الحق, الإنسان doit faire des efforts. S'il fait des efforts, فحجج هؤلاء et leurs ambiguïtés, ça fera aucun mal à ce mu'min, à ce mu'ahid. qui donnait de l'importance au tawhid, qui faisait des efforts dans l'apprentissage, inshallah, il sera à la khayr. Naktafi bihada, et on passe à notre deuxième dars, inshallah. Vous avez remarqué, petit à petit, on approche là. On approche du maqsoud de ce livre. Et le principal objectif de cette risala, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a répondu aux shubuhat des mouchriquins et leur ambiguïté. Lakin, avant, il a cité des points importants. On a bientôt fini ces points dans encore un ou deux dors. Et inshallah, on va commencer à étudier les shubuhat et leurs réponses. Fa nas'alullah at-tawfiq.